Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanabda fi hadha al-yawm bi'idhnillahi azza wa jal qira'ati hadhihi ar-risala al-mufida li'al-imam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. وهي بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. Donc on commence ensemble, inshallah ta'ala, هذه الدروس et la lecture de cette رسالة. وهي مجرد نصيحة. C'est un conseil de cet imam, رحمة الله عليه, l'imam ibn al-Qayyim, à un de ses frères. Et c'est une nasiha mufida, mukhtasara. Et on a tous besoin de ce genre de nasa'ih pour avancer dans notre din. Fattanasuh, ce conseiller, c'est un bab muhim fi dinillahi azza wa jal. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha. النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة il a démontré que c'était الدين. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه. فسو حديث il montre l'importance de النصيحة, de ce conseiller. Jabir radiyallahu anhu, il rapporte annahu, quand il a fait al-bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait al-bay'a ala iqami salat, et d'accomplir la salat, wa ita'i zaka, et de sortir la zaka, et kadhalik an-nush li kulli muslim, de conseiller chaque muslim, khasatan al-aqarib, et les proches, tes proches, ils ont un haq encore plus grand. Fi hadha al-bab. Qala jalla wa ala wa anzir ashiratak al-aqrabin. Al-aqarib, khasatan les parents, al-ab wa al-um, et kadhalik tes frères, tes sœurs, tes proches, ils ont un haq kabir alayk. Wa al-nasiha, c'est une ibada azima, et on doit faire cette nasiha, se conseiller mutuellement, comme bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fal-nasiha laha adabun, un comportement à voir. Kadhalik man nasaha falabud an yansah bi'ilm. Faman kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. أما celui qui sait pas, فلا يجوز أن يتكلم في أمر وهو يجهله. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. فالناصح, أي celui qui conseille, il doit parler بعلم. كذلك استعمل في نصيحتك الرفق والحكمة. Quand tu conseilles أخي الكريم, conseille avec douceur. Conseille billati hiya ahsan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Si tu conseilles ce musulman, que ce soit un proche ou autre, c'est que tu lui veux son bien. Fais ce bien pour lui faire parvenir. Il y a une méthode, il y a des moyens. ومن أنفع هذه الوسائل, c'est الرفق, la douceur. La tazan, anna, quand tu conseilles wahidan, annahu, il sait forcément ce que tu sais ant. La. La tazan, anna, tout le monde comprend comme toi. Anna, tout le monde a le même iman que toi. Anna, tout le monde a la même motivation que toi. Hada, c'est un khata. Bel, on vit dans une époque, anna, kathiran minan nas, ils sont vidjahl wa da'af. فالداعي إلى الله الناصح il doit avoir de la rahma pour les autres. Rifqun wa rahma wa hikma. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى المجلد الثامن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه فتأمل هذا الحديث أن الرفق لا دوسور الرفق لا يكون في شيء إلا زانه لا دوسور سي elle est utilisée, elle est appliquée dans une chose, elle embellit cette chose. وقال صلى الله عليه وسلم ولا ينزع من شيء أي الرفق إلا شانه. Et si la douceur elle est retirée d'une chose, c'est le contraire. Cette chose elle sera pas ربما acceptée, ربما elle sera rejetée. لأن الناس ils aiment bien الرفق et ils aiment pas الشدة. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ولا سيما في هذا العصر surtout à notre époque. لماذا؟ قال هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة وليس عصر الشدة. On vient à une époque أن الداعي إلى الله doit avoir de la حكمة. لماذا؟ لأن هذا العصر هذا الزمان كما قال الشيخ رحمة الله عليه c'est زمن الرفق والصبر. لماذا؟ لأن الفتن كثيرة والجهل انتشر والعلماء sont قلة وكثير من الناس يغتروا بالحياة الدنيا فسي on emploie la mauvaise méthode فربما les gens ils vont encore plus s'écarter et c'est pas ça le but là le but c'est de montrer à هؤلاء le but c'est de d'aider هؤلاء قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه الناس أكثرهم في جهل وغفلة وإثار للدنيا. La plupart des gens الآن sont على هذا. إلا من رحم الله عز وجل. دنيا وجهل et غفلة. كثير من الناس se sont écartés du علم. كثير من الناس se sont écartés de la sunna. Pourquoi? À cause de ces trois points. جهل l'ignorance. غفلة l'insouciance et إثار الدنيا أو إثار للدنيا أنهم ils sont attirés et ils sont occupés par الدنيا ليلا ونهارا قال فلا بد من الصبر قال فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة الداعي إلى الله لأن مسؤولية كبيرة فهؤلاء qui sont في جهل وفي ضياع On n'a pas le droit, nous, d'aider le shaytan et les écarter encore plus. Là, قال الشيخ فلا بد من الصبر. Il faut patienter. فربما, ce proche, ce musulman, il n'accepte pas aujourd'hui. اصبر. Ça ne veut pas dire qu'il n'acceptera pas. Là. لكن تعلمون أن celui qui a une habitude de faire une chose, خاصة avec le jahl et ضعف الإيمان, Au départ, c'est difficile de délaisser cette chose. Illa man waffaqahullah. Sabr. S'ils n'ont pas écouté aujourd'hui, fa bi idnillahi azza wa jal demain. S'ils n'ont pas écouté demain, fa inshallah ba'd. Aham shay, isbir. Et ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Qala, wa la bud min ar-rifq hatta tasil ad-da'wa kadhalik la douceur. Limadha? Li'anna ha'ula al-muslimun Ils sont combattus de toutes parts. Al-shaytan min jiha wa al-kafara min jiha. Les kuffars, ils les combattent avec des afkars. Al-shaytan, ils les combat. Kadhalik, ahlul bid'a'i wa al-zayri wa al-zalal. A'immatu al-zalal, ils les combattent avec des facilités. Alors que cette chose, elle est clairement haram. Avec des fatwas qui sont fondées sur le jahl wa al-hawa. Avec des pensées qui contredisent Al-Kitab et Al-Sunnah, فَدَّعِ إِلَى اللَّهِ Si il n'a pas de la douceur pour ce muslim qui est vaïf, qui est combattu de toutes parts, فَرَبَّمَا هَذَا الْمُسْلِمِ Il ne prête même pas attention à ton kalam. Et ce n'est pas ça le but. لِأَنَّ النَّاصِحِ Celui qui fait le nasiha, il ne fait pas le nasiha pour lui. Là, on ne fait pas le nasiha pour nous. On ne fait pas de nasiha pour gagner quelque chose, de l'argent ou autre. Là, c'est pour propager din Allah Azza wa Jal. Donc, on doit appliquer nasiha ahlil ilm. Wa qabla dhalik les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-bab. Wa ta'ammal hadhihi al-fa'ida al-jamila. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد الست كم انفر النصيحة أي فائدة كي va beaucoup t'aider بإذن الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: فصل. العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فهم لا يقدرون على تركها. فتأملوا العلماء عليهم رحمة الله الحكمة qu'ils ont et l'ilm qui les pousse, walillahi alhamd, à dire mitla hadha al-kalam. Al-arifu la ya'mur al-nas bi tarki al-dunya fa innahum la yaqdiruna ala tarkiha. C'est pas min al-hikma hadha. Jahil, miskin, ghariqun fi al-shahawat et fi al-dunya, wa anta, tu veux le conseiller, tu lui dis faut qu'il délaisse tout. C'est pas min al-hikma, li'anna, il est pas prêt. فلهذا قال ابن القيم فإنهم لا يقدرون على تركها. Il n'a pas encore les capacités, ce musulman, pour délaisser ces choses. Son iman, il est vaïf. Il a l'habitude. ربما il gagne sa vie avec cette chose. وأنت, tu lui dis là, il faut tout délaisser. C'est pas من الحكمة. قال ابن القيم رحمة الله عليه ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. Pourquoi? لأن الدنيا, c'est pas forcément haram, il y a des choses qui sont mubah. Et il y a des choses qui sont haram. Fa'anta al-hikma, c'est que tu montres, tu conseilles, annahu, il délaisse al-haram, il délaisse la mixité, il délaisse al-tashabbuh bil-kuffar, il délaisse tarq al-salah. Tous ces péchés qui sont très graves, et rubbama, ce proche, ce musulman que tu veux conseiller, il est touché par ces choses, fa'anta, tu lui montres, أن الحرام يبقى خير. أما si tu lui dis délaisse complètement dunya, فربما ça va être difficile pour lui et il n'arrivera pas à appliquer. Il t'écoutera pas. قال رحمة الله عليه فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة. لأن délaisser الدنيا, c'est pas obligatoire. Celui qui arrive à ne pas s'occuper de dunya et se consacrer à l'ibada ou l'ilm ila akhiri, falhamdulillah. Lakin hada, c'est pas tout le monde et c'est pas obligatoire. Lakin, ce qui est obligatoire, c'est de délaisser al-dhunub. Fa anta min al-hikma, c'est quand tu fais le nasiha, awulan, tu appelles à appliquer les choses qui sont obligatoires et à délaisser le muharram. Amma wahid, il est gharik fi al-dhunub. Et on l'appelle à délaisser quelque chose qui est détestable. Hey, c'est pas haram, lakin, vaut mieux délaisser. C'est pas min al-hikma, hada. Kadhalik, wahid qui fait pas une obligation et on l'appelle à faire quelque chose de recommandé, c'est pas min al-hikma. Qala, fakayfa yu'mar bil fadila man lam yaqum al-fariida. Hey, comment on va appeler quelqu'un à faire quelque chose de mustahab alors qu'il n'arrive pas à faire les choses obligatoires? قال رحمة الله عليه فإن صعب عليهم ترك الذنوب. Deuxième étape, si ce musulman que tu conseilles, il a du mal à délaisser الذنوب. Ça arrive, هذا الإنسان il est ضعيف et بعض الناس ils ont l'habitude, ربما ça fait des années qu'il fait ce ذنب et il savait pas et il a l'habitude et son iman il est ضعيف. زد مع ذلك الجهل et du lassa, sou, etc. فربما يصعب عليه au départ de délaisser ce dhamb. فأنت, s'il a du mal à délaisser ce dhamb, قال ابن القيم فاشتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله. S'il a du mal à délaisser ce dhamb, لا تتركه أنت, ne le délaisse pas أنت. Comme ils font بعض الجهل, ربما يكونسي واحد de ses proches ou un muslim qui veut du khair lakin il a des faiblesses, il n'arrive pas à délaisser un dhamb, au lieu de l'aider, au lieu de patienter, au lieu de lui montrer, il le hajar. Ça c'est pas min al-hikma. La tansa d'où tu viens, akhi al-karim, anta kam min an-nas sabaru alayk. Les personnes, ils ont patienté sur nous, ils nous ont montré On a tous fait des erreurs et on en fait encore. Fa'anta, tu aimes que les gens y patientent ma'ak. Fasbir anta ma'al akharin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Fa'anta, tu aimes la douceur, tu aimes qu'on te montre calmement, tu aimes qu'on t'aide. Fa'akada ton frère, al-muslim. On ne parle pas bien sûr wahed mu'anid qui combat dina ou amun harif amubtadi' qui combat sunna et qui ne veut pas écouter et qui fait beaucoup de mal. On ne parle pas de hada simf. Les kulli maqamin maqal. Qala فإن القلوب مفطورة على محبته. Si il a du mal à délaisser al-dhunub, فالحقيقة, si tu réfléchis, tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi un tel il arrive à délaisser ce péché et un tel il a du mal? Ça revient à l'iman. Celui qui a un iman qawi, il aura beaucoup de facilité à délaisser al-dhunub. Celui qui a un iman dhaif, il a une foi qui est faible, il aura du mal à délaisser. Le remède, la solution, قال ابن القيم رحمة الله عليه, فاجتهد أن تحبب إليهم بذكر آلائه. Montre-leur la ni'ma dans laquelle ils sont. Ce musulman, il est dans une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé. Si c'est un musulman, وهكذا, tu t'adaptes. وقال ابن القيم رحمة الله عليه أن القلوب مفطورة على محبته. L'insan, il a été créé bihadihi al-fitra. Avec cette méthodologie, bi'idnillahi azza wa jal, tu vas toucher son cœur. Son iman, il va monter. S'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ses noms, il connaît ses attributs, il connaît an-ni'ma. Et tu lui montres kadhalik annahu, il aura des comptes à rendre. Anna hadhihi dunya za'ila wa tasbir ma'a. Mawa'id, nasa'ih. Fala'alla son iman, il monte et Inch'Allah, il fera des efforts. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. هَكَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا تَعَلَّقَتْ بِحُبِّهِ هَانَ عَلَيْهَا تَرْكُ الذُّنُوبِ وَالْإِسْتِقْلَالِ مِنْهَا وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا. Si ce cœur, il aime Allah subhanahu wa ta'ala, une mahabba sahiha, فَبِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, il fera passer Allah subhanahu wa ta'ala avant ses patients. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cette chose. فَبِإِذْنِ azza wa jal, مَحَبَّتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ, elle passera avant. Et il aura la force de faire ce sacrifice et de délaisser. فَلِهَذَا تَجِدْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ, si il sait que cette chose est haram, il la délaisse. لِأَنَّ إِمَانَهُ قَوِي. Et tu trouves un autre mu'min, miskin, dhaif, il a du mal. فَأَنْتَ, t'es un nasih, tu conseilles, tu aides un dhaif. فَكَمْ من الناصحين. Ils veulent faire du bien et في الحقيقة ils font qu'éloigner les autres. لماذا؟ لأنهم ils parlent بجهل et ils reviennent pas à أهل العلم pour comprendre ce genre de فوائد et l'aider dans sa دعوة. قال ابن القيم رحمة الله عليه هان عليها ترك الذنوب. Ça sera beaucoup plus simple. Ah, là, ça nous montre, quand on conseille, awwalan, on commence par al-aham wal-muhim. Ay, ma'rifatu al-aqidah, ma'rifatu Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-tawhid. Fassi al-insan, il est qawi vi imanihi vi tawhidihi, tout le reste, ça viendra. Bi idnillahi azza wa jal. Amma si il ignore ce point, et il a des faiblesses dans ce point, il aura du mal dans tout le reste. Fali hada. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé un de ses compagnons, Mu'ad radiyallahu anhu, quand il l'a envoyé au Yémen, la première chose à laquelle il devait appeler un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Et dans une riwaya, أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ. Pourtant Mu'ad radiyallahu anhu, il était envoyé à des Nasara. À l'époque au Yémen, c'était des chrétiens. Et la première chose, at-tawhid. Si l'insan il est qawi fi hadha al-bab, tout le reste, bi-idnillahi azza wa jal, ça sera beaucoup plus simple. Limada, li-anna, il aura cette force qui lui permettra de faire ay al-wajib et al-mustahab, et cette force de délaisser al-haram ou al-makruh et les choses inutiles. Fa-nasiha, c'est une ibada azima, lakin, on doit faire des efforts pour conseiller كما يحب الله سبحانه وتعالى. Et كذلك prendre comme exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فبين للناس بعلم العلم c'est important. Si tu parles, tu dois être à la ilm. La testa'ajil. Ahiyana, on se précipite. Rubbama, on voit une chose qui nous dérange, ou on sait que ça contredit din, ou ça contredit sunnah, lakin on se précipite, on parle, et Rubbama, on rajoute du mal sur du mal. La testa'ajil. Si tu ne sais pas, demande. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, un nasiha, prépare-le. Au lieu de te précipiter, certaines si c'est un proche, Rubbama, tu te précipites et tu l'éloignes encore plus et tu auras beaucoup de mal à le faire revenir. Illa ayyasha Allah. Enfin, au lieu de se précipiter, tu prépares ton sujet, tu demandes si tu ignores, tabhath des ayats, des ahadith, aqwal ahl al-ilm, tu te prépares, thumma bi'idhnillahi azza wa jalla, tu le conseilles, tu profiteras ant. La recherche que tu as faite, tu profiteras ilman wa ajran wallahi al-am, et كذلك tu feras profiter les autres. Wahdhar kull al-hadhar min at-takalluf. Ça fait beaucoup de mal à celui qui veut faire une nasiha. At-takalluf, et tu t'imposes. Tu t'imposes la guider des autres. Si fulan ne t'écoute pas, ka'annahu hasal ma adri ma hasal. La tawakkal ala Allah, tu montres c'est l'Allah. Celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui n'accepte pas, fa Allah subhanahu wa ta'ala alimun, hakimun, innaka la tahdi man ahbabt. Tu guides pas ce que tu aimes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Qui il veut fahdhar min at-takalluf. Qala Allah azza wa jalla, fa in a'radu, fa ma arsalnaka alayhim hafidha, in alayka illa al-balagh. Ta'ammal hadhihi al-aya. In a'radu, et si se détourne, que ce soit un proche, que ce soit wahid que tu connais ou que tu ne connais pas, tu lui montres et il ne veut pas écouter. Ça arrive. L'anahiyana al-nasiha, elle est faite bi'ilm, avec douceur, avec un bon comportement. Et wa'ad al-nas, iyadan billah, ils ne veulent pas le khayr, ils veulent le shar. Et ils se détournent. Qala azza wa jal, fa in a'radu, fa ma arsalnaka alayhim hafidha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Amma nahnu, on montre. Faqat, celui qui écoute, alhamdulillah, celui qui obéit pas, qui écoute pas le nasiha, qui applique pas, fa trukhu. Laisse-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala khabirun bi'ibadih. Qala azza wa jal, in alayka illa al-balagh. Anta alayka al-balagh. Tu transmets. Thumma les cœurs. Est-ce qu'ils vont accepter Amla, la guider? C'est biyadillahi azza wa jal. Amma, va'ad al-ikhwa, rubbama yukallif nafsa. Il s'impose au-dessus de ses capacités. Il s'impose la guider des autres. Et si les autres, ils n'acceptent pas, vu qu'il s'est imposé, yadhuf. Rubbama, il s'énerve. Rubbama, il perd son sang-froid. Rubbama, il désespère. Et rubbama, lui-même, il tombe fi dhanb. Il en a désespéré. Il a akharé, c'est minat dhunub. فلا تكلف نفسك لا تكلف نفسك montre et توكل على الله سبحانه وتعالى في سيرة الأنبياء on a une أسوة وين قدوة. Est-ce que Nuh عليه السلام tout le monde l'a suivi? أبدا. أكثر الناس ils n'ont pas suivi. Ceux qui sont montés معه في السفينة قليل. Est-ce que Ibrahim عليه الصلاة والسلام tout le monde l'a suivi? أبدا. Son père il l'a pas suivi. أكثر الناس حاربوه. Il a patienté. Est-ce que Moussa, tout le monde l'a suivi? Abadan, Fir'aoun wa Qawmah, ils ne l'ont pas suivi. Illa man sha Allah subhanahu wa ta'ala minhum. Et ils étaient qalil. Et Allah subhanahu wa ta'ala nasra. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tout le monde l'a suivi? Abadan. Kathir wa lillahi alhamd, ils l'ont suivi et d'autres, ils ne l'ont pas suivi. Harabou. Et certains des membres de sa famille, ka Abi Lahab, lakin sabra wa lillahi alhamd, ça lui a fait aucun mal. بل on vous a déjà cité plusieurs fois hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah ya'ti nabiyun wa ma'ahu ar-rahat, ay un groupe, une dizaine de personnes, wa nabiyun ya'ti ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, et un autre prophète, il aura comme suiveur qu'un homme ou deux, une personne ou deux, un nabi. ثم قال صلى الله عليه وسلم ونبي ليس معه أحد. Et un nabi, personne ne l'a suivi. Il sera tout seul يوم القيامة. Il sera avec ses frères, bien sûr, l'anbiya ou le mu'miné. Lakin, sans qu'on personne l'a suivi. Est-ce que ça lui a fait du mal? Abadan. Hakada nahnu, on prend ha'oula comme exemple, alayhim as-salatu wassalam. Et kadalik, on cède avec kalam ahlil ilm, et bi'idnillahi azza wa jal, cette nasiha que tu veux faire à tes proches ou autres, bi'ilm, on répète, osbir, et un bon comportement, et incha'Allah ta'ala, il n'y aura que du khayr. S'ils acceptent, alhamdulillah, tes ma'jour, tous ceux qui profitent de ton ilm, de ton conseil, tu as une part de récompense, et si ils n'écoutent pas, alhamdulillah, t'es récompensé. إنما الأعمال بالنيات. فهذه مجرد مقدمة avant de commencer هذه الرسالة.